électrique, armoire électrique, armoire électrique, armoire électrique, tiroir magnétique, que c'est fantastique. Armoire électrique, opéra comique, que c'est fantastique. Armoire électrique, armoire électrique, armoire électrique, armoire électrique, mourir en musique, que c'est fantastique.